ces feux n'ont pas un fonctionnement habituel. Ils clignotent au milieu. C'est comme s'ils étaient éteints. Je dois donc tenir compte des panneaux fixés sur le support des feux. Ce panneau indique que la route sur laquelle je suis a un caractère prioritaire. Le panonceau schématise la configuration des lieux. La route prioritaire, en gras, tourne à droite. Les deux autres rues ne sont pas prioritaires. Je continue en face, je vais donc quitter la route prioritaire et devoir céder le passage aux véhicules venant de droite uniquement. Réponse A.